Chapitre 12e. Les impressions reçues la veille au soir se trouvèrent être à peu près les mêmes alors que la société se rencontra de nouveau le matin suivant, à l'exception pourtant de Mr. Peters, qui fut bien un peu surpris de voir la veuve en si grande toilette. Agnès ne pouvait guère être admirée davantage par la jeunesse de la famille, bien qu'on avoue pourtant qu'à la clarté du jour, on avait découvert la beauté toute particulière de ses cheveux et la parfaite symétrie de sa personne. Quant à Mrs. Peters, elle se déclara coupable du crime de détester sa sœur affectionnée, aussi bien le mardi matin que le lundi soir. Le soleil était très brillant. Elle en prit avantage pour faire intervenir le sujet qui lui tenait décidément à cœur. « Vous ferez bien de mettre cette belle journée à profit, Mrs. Barnaby, » dit-elle. « Vous avez bien sûr entendu parler de nos rochers et de nos dunes, Miss Willoughby. Vous ne pouvez pas les voir par un temps plus favorable. Nous pouvons vous mener à notre fameux moulin. » Ce qui ne nous empêchera pas, Mrs. Barnaby, de vous conduire visiter quelques logements, car nous autres gens de Bristol, nous ne sacrifions jamais les affaires au plaisir. Je pensais à vous hier matin en voyant un écriteau à Sirion Row. Ce sont les plus jolis appartements de Clifton. Il serait dangereux de différer à les voir, car ils sont vite enlevés. » Le brave Monsieur Peters eut une forte envie de dire qu'il n'y avait aucune nécessité à se hâter de chercher des logements, et qu'il serait très heureux de retenir encore ces dames. Mais s'il existait la plus parfaite harmonie, une réelle harmonie accompagnée des meilleurs sentiments, entre M. Peters et sa femme, il était aussi convenu entre eux que lorsqu'elle disait quelque chose qu'il ne comprenait pas bien, ce qui lui arrivait assez souvent, il ne devait pas la contrarier, ni faire aucune remarque sur cette question, tant que la chose n'avait pas été examinée à eux deux dans le tête-à-tête, occasion dans laquelle il trouvait sa femme toujours prête soit à écouter ses raisons, soit à lui en donner elle-même. Il était rare que la conférence se terminât autrement que dans une entente complète. Conformément à cette sage règle de conduite, l'excellent homme laissa arranger l'expédition de la chasse au logement sans faire aucune objection et partit pour la bourse de Bristol, ce qui était sa promenade quotidienne, en se contentant de dire que James escorterait ses dames au lieu de venir avec lui. Les dames se dispersèrent donc immédiatement pour mettre leurs mantelets et leurs chapeaux, et quelques minutes après, la société, qui se composait de 7 personnes, faisait irruption dans la rue, sur les larges dalles de Rodney Place. Là, s'étant divisé en 3 couples, plus James, qui se tenait collé à celui dont Agnès faisait partie, toute la troupe se mit en marche vers Sirion Row, ayant à sa tête Mrs. Barnaby et Mrs. Peters. Avant d'atteindre cet endroit, James appela en conseil sa sœur aînée, ainsi que Miss Willoughby, pour savoir s'il était bien nécessaire d'aller à la recherche d'appartements en société aussi nombreuse. « Mary, » dit le jeune homme, « si nous conduisions Mademoiselle Willoughby aux dunes, cela ne vaudrait-il pas mieux? Que les autres suivent ces dames si elles le préfèrent. Nous sommes toujours sûrs de nous rencontrer en revenant. »« Très bien. Voulez-vous le dire à maman, alors ?» répondit la jeune personne en se tournant vers la direction indiquée. Les dames s'arrêtèrent pour écouter le message. Mrs. Peters eut l'air très peu flattée du lot qui lui était échu en partage. Cependant, après avoir hésité un moment, elle reprit sa bonne humeur, acquiesça d'un signe de tête et continua sa marche. Elisabeth, qui, au fond du cœur, tenait Mrs. Barnaby pour la meilleure personne du monde, parce qu'elle se présentait comme telle, rejoignit les plus âgées des dames, et les 4 autres membres de la société se dirigèrent vers le splendide terrain qui s'élève sur la droite. Il existe entre jeunes gens des 2 sexes une sorte de franc-maçonnerie, qui ne se manifeste jamais tant qu'ils sont en présence de personnes plus âgées, et ce fut probablement pour cette raison qu'Agnès se sentit en plus grande intimité avec ses compagnons au bout d'une heure et demie de promenade sans chaperon. Il y avait bien eu aussi quelque chose qui avait pu faire avancer nos jeunes gens dans la voie de la familiarité. C'était un accident provenant de la nature même du site qu'ils étaient venus contempler. Quand, dans la belle saison, on atteint le moulin et qu'on regarde l'Avonne, qui coule au fond de la vallée, ondoyant dans son cours comme ferait un serpent, on a d'un côté les bois de Lay, enrichis de leur feuillage de la mi-été, qui, en suivant la pente du vallon, prennent pour ainsi dire la forme d'une plume, et de l'autre, des rochers de pierre calcaire, tout brillants de leurs veines grises et rouges, mis récemment à découvert par l'ouverture d'une carrière qui s'élève avec une magnificence hardie. Agnès demeura absorbée dans l'extase. Elle n'avait encore vu de la nature que les prairies émaillées de fleurs, et les vergers aux pommiers fleuris de la partie la moins pittoresque du Devonshire. Et quoiqu'il y eût certainement déjà là de quoi éveiller en elle cet amour pour les beaux sites qui est naturel à tout esprit finement organisé, elle n'était nullement préparée au genre d'émotion que lui inspirait la vue qu'elle contemplait. Devançant ses compagnes, elle s'avança seule, sans avoir la moindre conscience du danger qu'elle courait. Arrivée tout au bord du précipice vertigineux, elle se pencha tellement que le jeune Peters, réellement effrayé, n'eut que le temps de la saisir par le bras pour la tirer en arrière. Elle avait les yeux pleins de larmes, son visage était d'une pâleur de marbre. « Ma chère Miss Willoughby, dit affectueusement Mary, le précipice vous a donné le vertige. Si James ne vous avait retenu, je crois que vous seriez tombée. »« Oh non, non, répondit Agnès en secouant la tête, tandis qu'une vive rougeur succédait instantanément à sa pâleur. « Je vous assure que je n'étais nullement en danger. Seulement, jamais encore je n'avais rien vu d'aussi beau. »« Asseyons-nous, dit Lucie, l'air est délicieux. N'est-ce pas que cet endroit est splendide, Agnès ?» Un regard de gratitude, presque d'affectation, fut la réponse. Et ainsi la petite troupe, assise au grand complet au milieu de ce ravissant paysage, se donnant les uns aux autres le mutuel plaisir de contempler de jolis visages et d'entendre des voix joyeuses, respirer les odeurs délicieuses que le soleil extrait des herbes et des fleurs sur lesquelles il a brillé. Était-ce donc bien surprenant que ces jeunes gens eussent oublié la date si récente de leur connaissance et qu'il leur fût possible de rire, de babiller, de regarder tout autour d'eux, de jouir en un mot, d'eux-mêmes avec une gaieté aussi franche et une liberté aussi réelle que s'ils étaient amis depuis bien des années. Ils étaient tous deux bien heureux, et une heure entière s'écoula sans qu'on en eût conscience, à deviser, à écouter les détonations des rochers que l'on faisait sauter au-dessous d'eux, ou encore à demeurer tous assis et silencieux pendant des minutes entières, cueillant à pleine main le thym odorant dont leur siège était tapissé. Oui, ils étaient tous heureux, mais pas un seul d'entre eux ne pouvait se faire une idée du bonheur qu'éprouvait Agnès. C'était le premier moment réellement bon qu'elle eût goûté depuis son départ de Hampton. Il lui semblait qu'une vie nouvelle s'emparait de tous ses sens. Sans s'en être bien rendu compte, pendant ces derniers mois, elle s'était positivement crue destinée à être malheureuse et s'était dit qu'elle n'avait rien de mieux à faire que de se soumettre. Mais à son grand étonnement et aussi à sa grande joie, elle découvrait que jamais personne ne s'était si fort trompé qu'elle. Ne devait-elle pas se considérer comme l'une des créatures les plus privilégiées de ce monde, puisqu'il suffisait qu'elle pût jouir du soleil, d'un air pur et de beau site, pour oublier qu'il existait ici-bas quelque chose appelé chagrin. Le seul nuage qui jeta une ombre sur l'état radieux de son âme, c'était la pensée qu'il avait fallu qu'elle fût bien perverse pour avoir douté un instant de la bonté de ce Dieu qui avait formé un monde aussi beau, tout exprès pour que les hommes fussent heureux. Mais quoi qu'il semble, pendant une heure comme celle qu'elle venait de passer, que chaque instant doit laisser une impression douce et durable sur la mémoire, le tout fut bien vite effacé. Et quand Mary, avec la sagesse qui était son apanage comme la plus âgée de la société, se releva en bondissant et en s'écriant qu'ils avaient complètement oublié le rendez-vous pris avec leur mère sur les dunes, Agnès se leva elle-même en poussant un soupir comme si elle sortait d'une extase momentanée. Toutefois, ils rejoignirent le reste de leur société, quoique l'ordre de la marche eût été changé, car ce furent les jeunes gens qui rencontrèrent les dames, comme celles-ci revenaient de faire une promenade d'un demi-mille environ vers la barrière. Seulement, il n'était pas probable que nul ravissement du genre de celui qu'avait éprouvé Agnès eût embelli cette excursion. Les deux sociétés s'étaient rejointes. La conversation était générale, et quoiqu'elle ne fût pas très animée peut-être, elle n'était pas dépourvue d'intérêt pour Agnès, qui entendait avec les plus vives délices le projet que formait sa tante de se fixer dans le voisinage des rochers pour lesquels elle avait conçu une si ardente passion. « Eh bien, madame, avez-vous vu quelque logement qui vous plaise ?» fit l'aînée des demoiselles Peters à Mrs. Barnaby. « Oui, certes, ma chère Mary, » répliqua la veuve, « grâce à votre chère et bonne mère, qui a été vraiment infatigable. Clifton est fort rempli à ce qu'il m'a paru, et j'en suis bien aise, car ma pauvre chère Agnès a vraiment besoin de changer un peu le cours de ses idées. Ses habits de deuil, dans lesquels elle se complaît si fort, sont, je suis fâché de le dire, précisément le type de la disposition de son esprit. » Le frère et la sœur, qui venaient de prendre part aux accès de gaieté d'Agnès, échangèrent un coup d'œil, mais ne répliquaient rien, pendant qu'Agnès, toute rougissante, riant à demi au même souvenir, changeait le sujet de la conversation en disant « Avez-vous arrêté un logement en tente ?»« Oui, ma chère. Un appartement petit mais délicieux, dans Sile Row. Le même Row, Agnès, que vous avez entendu vanter ce matin. Et où d'abord nous avions absolument désespéré de rien trouver, car il paraissait y avoir toutes sortes de difficultés. Mais, se tournant vers Mrs. Peters, vous sembliez comprendre tout cela si admirablement, Marguerite. Vous avez fait faire exactement tout ce que vous avez voulu à la brave femme, vous êtes si habile, vous ressemblez tant à votre pauvre cher frère. Si jamais mon pauvre cher frère a montré à moitié autant de volonté, c'est qu'il avait terriblement changé. Pensa la consciencieuse Mrs. Peters, qui avait certainement employé des moyens quelque peu corrupteurs pour lever toutes les difficultés et procurer à sa belle-sœur un appartement où elle put entrer dès le jour suivant avec l'agrément de la propriétaire. « Mais vous l'avez arrêté, n'est-ce pas, tante ? J'en suis si heureuse, car je trouve que Clifton est le plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. » Tombée amoureuse du jeune homme, c'est parfaitement clair, suggéra la veuve sa vive imagination. Un nouveau bonheur attendait Agnès au retour à la maison. Lucie, après avoir jeté de côté son chapeau et son mantelet, s'assit au piano. Elle jouait agréablement, elle chantait aussi assez bien pour ravir les oreilles altérées d'Agnès, qui n'avait pas entendu une note de musique, si ce n'est à la cathédrale d'Exeter, depuis qu'elle avait quitté sa pension. Le plaisir évident que son talent apportait à la jeune auditrice encourageait l'aimable Lucie à continuer, de sorte que, excepté pendant un intervalle qui fut employé à manger quelques sandwiches en manière de goûter, elle joua et chanta jusqu'à 3 heures. Quoique elle ne fût nullement de ces exécutants qui aiment à accaparer l'instrument à eux seuls, il ne lui vint pas à l'idée de demander à Agnès de s'y mettre à son tour. Il y avait quelque chose de si enfantin dans l'ardeur avec laquelle elle se délectait à écouter, que Lucie s'imagina que c'était la nouveauté de la chose qui captivait ainsi son attention, et poussée peut-être par le sentiment contre lequel leur père les avait toutes trois mises en garde, sentiment qui tendait à faire croire à ces demoiselles de Clifton que les jeunes personnes du Devonshire devaient être extrêmement arriérées en tout, elle demeura persuadée que, selon toute vraisemblance, Agnès Willoughby n'avait jamais appris ni piano ni chant. Quand la pendule de la cheminée sonna 3 heures, il se fit un mouvement général parmi les membres de la famille Peters, indiquant une nouvelle sortie. « Vous faites une autre promenade, probablement, mère ?» dit le jeune homme. « Probablement oui, James. Je pense que Mrs. Barnaby sera bien aise d'aller au cabinet de lecture inscrire son nom pour avoir ses entrées dans les salons. » « Oh oui, cela me fera plaisir, vraiment, pour la pauvre Agnès. »« Très bien, c'est pour le mieux. Vous et moi sommes bien assez belles, Mrs. Barnaby, mais je crois que les jeunes filles auront envie de changer leur chapeau du matin contre d'autres chapeaux plus faits pour la promenade. Il nous faut les attendre. »« Voici tout l'équipe, Sakes, je crois. Quant à moi, cette revue m'intéresse vivement. » Tout en parlant ainsi, Mrs. Peters ôtait son châle et s'asseyait dans une petite vergère basse qui emboîtait complètement sa petite personne, puis se régalait de la lecture d'un article bien mordant de la revue trimestrielle. Tout en souriant, Mrs. Barnaby se tourna vers les piles de jolis livres qui décoraient la table de jeu. Mais à peine les jeunes personnes avaient-elles disparu, et Mrs. Peters s'était-elle absorbée dans sa lecture, qu'elle se leva tout doucement et se glissa hors de la chambre. Agnès n'avait pas un plus beau chapeau à mettre que celui qu'elle avait déjà montré. Mais elle courut en haut avec les autres jeunes filles, parce que l'une d'elles l'avait invitée, par un signe de la main, à les suivre. Ce fut donc dans l'une de leurs chambres qu'elle se rendit, au lieu d'aller dans la sienne. Ceci était encore un pas, et un très grand même, vers l'intimité entre les jeunes personnes, car il n'y a rien qui entraîne plus naturellement un flux de paroles que le fait de se trouver entouré d'objets variés, offrant un intérêt commun à tous les membres de la société. Dans cette occasion, Mrs. Barnaby avait été un peu plus rassurée sur la puissance de ses propres charmes. C'eût été un grand bonheur pour elle. Mais, malheureusement, son esprit agité lui murmurait à l'oreille qu'elle n'était pas tout à fait assez belle pour aller à la promenade, pour entrer au cabinet de lecture et dans les salons. Et c'était afin de renouveler un peu son rouge qu'elle avait suivi les jeunes filles à l'étage supérieur. Maintenant, il faut dire qu'elles en avaient déjà plus que suffisamment. Mais ce ne fut pas tout. Après avoir rehaussé sa fraîcheur jusqu'au point qu'elle jugeait devoir lui être le plus favorable, elle demeura frappée de l'aspect sombre que présentait son chapeau à plumes couleur lavandée noire. Et pour le rendre infiniment plus saillant à sa figure, elle introduisit dans la blonde du tour de tête quelques boutons de fleurs bien éclatants, de couleurs variées, si bien que lorsqu'elle rentra dans le salon, elle avait l'air d'être devenue la charge la mieux réussie de ce qu'elle était au moment où elle l'avait quittée. La ressemblance n'était pas détruite, tout cet ensemble offrait seulement le type du ridicule et de l'outré au point le plus exagéré. Mrs. Peters avait la tête tournée vers la porte quand la veuve entra. Elle jeta sur elle un coup d'œil ferme, se leva et alla sonner. Tous les jeunes gens étaient assis en rang, attendant la réapparition de Mrs. Barnaby comme signal du départ. Aussi s'étaient-ils levés tous ensemble en la voyant entrer. Mais ils devaient attendre encore bien autrement longtemps, car après avoir sonné, Mrs. Peters s'était rassis et disait en se préparant à reprendre son livre : « Après avoir réfléchi, mes chers amis, J'ai pensé que nous ferions mieux de prendre la voiture et de conduire Mrs. Barnaby ainsi que Miss Willoughby à Bristol. Leur logement se trouve situé à 5 minutes du cabinet de lecture et de toutes les autres choses. Nous ferons donc un bien meilleur usage de notre temps en allant à Bristol aujourd'hui. » En ce moment, un domestique entrait. La petite dame résolue, sans attendre l'opinion de personne sur ce qu'elle proposait, lui demanda si le cocher était à la maison. « Oui, madame, » fut la réponse. « Bien. » « Dites-lui d'amener la voiture devant la porte aussitôt que possible. »« Vous pouvez chanter encore quelque chose à Miss Willoughby dans l'intervalle, Lucie. »« Marie, j'ai besoin de vous dans ma chambre pour un instant. » Et Mrs. Peters quitta le salon suivie de sa fille aînée. « Vous aurais-je intrigué, Marie ?» dit-elle tout en riant et en fermant la porte du boudoir sur elle. « N'allez pas me croire capricieuse, enfant. Mais sur ma parole, je ne puis entreprendre de faire paraître cette géante enluminée et empanachée au travers de Clifton. » Je veux bien me sacrifier pendant 2 heures de purgatoire, à écouter avec la patience d'un martyr le récit de ses grâces, de ses vertus, de sa dignité, mais à condition que ce sera en voiture fermée. J'ai toujours aimé faire mes pénitences en secret. Elisabeth croit en elle positivement. Elle admire sa beauté par-dessus le marché. Aussi, ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de venir avec nous, car je ne présume pas, Marie, que vous ayez aucune envie d'être de la partie. Aussi, je veux en être, si Agnès en est. Oh, maman! J'espère bien que vous n'allez pas vouloir nous empêcher de nous lier bien intimement avec Mrs. Willoughby. Contre cette tante Barnaby, véritablement écrasante, vous me trouverez toujours de votre avis. Mais j'éprouverai un vif chagrin s'il me fallait être désagréable à sa charmante nièce. Elle est, je vous assure, la plus douce créature que j'ai jamais connue. Il est évident que vous vous êtes prise d'une forte fantaisie pour elle, et par le fait, c'est un sentiment qui vous fait honneur, car il prouve que vous n'avez pas la faiblesse de craindre une rivale. Il n'y a pas une seule jeune fille dans tous les environs qu'on puisse les comparer comme beauté. Mais, Marie, excusez-moi, il m'est impossible d'éprouver comme vous une admiration sans borne pour une jeune personne qui a été élevée par ce monstre, appelé ma sœur Barnaby. Agnès Willoughby n'a pas été élevée par elle, maman, tout au contraire. Pourquoi riez-vous? Je vous assure que... Je ris de votre tout au contraire. Il semble vouloir dire qu'elle était plutôt abaissée qu'élevée par sa tante. Et vous aussi, ma chère, vous serez abaissée à votre tour. Si vous souffrez qu'on vous identifie avec son rouge en public. Qu'on m'identifie avec Mrs. Barnaby? Je vous avoue bien que je n'en ai pas plus envie que vous-même, mais je vous supplie. Et ici la jeune fille prit tendrement la main de sa mère. Je vous supplie de prendre la peine de causer un peu vous-même avec Agnès. Dites, le voulez-vous? Oui, je le veux bien, si j'en trouve l'occasion. Mais je vous affirme que si elle vaut quelque chose, je la plains. Maintenant descendons, et vous allez voir comme je vais être sage. Toutefois, avant qu'elles eussent atteint le salon, Marie Peters avait conçu un projet de sa façon. Elle savait de quelle nature serait la promenade avec une personne que sa mère ne pouvait sentir, et de plus, avec l'intention d'être sage. Elle demanda donc immédiatement tout bas à Agnès si elle ne voudrait pas rester à causer à la maison plutôt que d'aller à Bristol. « Si cela m'est possible, oui, sans doute, » répondit Agnès, devenue rouge de plaisir à cette proposition. Mais le joug qui pesait sur son jeune cou était loin d'être aussi léger que celui avec lequel Mrs. Peters guidait ses filles. Il était si convaincu qu'elle n'obtiendrait pas cette permission si elle la demandait elle-même, qu'elle ajouta « Voulez-vous le demander pour moi ?»« Mrs. Barnaby, » dit la courageuse amie d'Agnès, « il vous faut vous passer de votre nièce pendant votre promenade. Si vous voulez bien, elle restera pour garder mes albums. »« Vous êtes trop bonne, vraiment, ma chère Mary, » répondit Mrs. Barnaby d'un air bénin. Elle était bien trop satisfaite de se montrer en personne dans l'équipage de sa sœur bien-aimée pour se soucier de ce que deviendrait sa nièce pendant ce temps-là. En vérité, Agnès ne pourra jamais être assez reconnaissante de toutes vos bontés pour elle. Agnès, enchantée, se débarrassa immédiatement de tout ce qu'elle avait mis pour sortir, et Lucie, sans dire un mot, fit tranquillement de même. On annonça que la voiture était à la porte. La rayonnante veuve passa la première. Mrs. Peters la suivit en prenant le bras d'Elisabeth et en faisant à Lucie un signe de tête plein de reproches. Le jeune homme les escorta jusqu'au bas de l'escalier, mais quand il les eut placés dans la voiture, il déclina l'honneur de les accompagner. « Comme il fait tout à fait chaud aujourd'hui, je suis sûr que mon père sera très content de revenir en voiture. Vous pouvez être certaine de le trouver au café de la Bourse vers 4h30. Bonne promenade, bonjour. » Et un moment après, ils rejoignaient leur trio dans le salon. « Et qu'est-ce que nous allons faire ?» dit-il. « Mademoiselle Willoughby aimerait-elle aller se promener au milieu des beaux et des belles ? Ou nous permettra-t-elle de la garder pour nous seuls et de l'emmener faire une nouvelle promenade dans la campagne. Pour laquelle des deux votez-vous, mademoiselle ? Tout bien décidé pour la promenade dans la campagne, répondit-elle. Alors descendons par le zigzag et allons nous promener sous les rochers, dit Lucie. Et une minute après, ils étaient en route pour ce singulier sentier du bord de la rivière, qui, en dépit de la vilaine couleur de l'eau, était un des plus beaux endroits qu'on pût visiter. Agnès jouit de cette seconde promenade tout autant pour le moins que de la première, car si la nouveauté du paysage n'existait plus pour elle, de même ses compagnons n'étaient plus pour elle une nouveauté. Elle se laissa aller avec tout l'abandon de la jeunesse et de l'innocence à parler de sa vie passée, sur laquelle Mary, avec une adresse toute amicale, s'arrangeait de façon à la questionner. Elle était très anxieuse de découvrir la source et la cause de l'immense différence que sa finesse avait su découvrir entre la tournure d'esprit de Mrs. Barnaby et celle de sa protégée. Cette promenade fut plus que suffisante pour lui en donner l'explication, car si les questions avaient porté sur la tante Barnaby, Agnès se serait retranchée dans une impénétrable réserve. Mais comme il ne s'agit que de Hampton et des bien-aimés Wilmot, elle ouvrit son cœur avec joie, et elle n'éprouva non plus aucune répugnance à s'étendre sur le caractère excentrique de sa tante Betsy, qu'elle ne connaissait qu'à moitié, quand on lui demanda si c'était Mrs. Barnaby qui l'avait placée chez ces gens si aimables. Au contraire, ceci était un sujet sur lequel elle se plaisait parce qu'il l'intriguait. Elle leur raconta la seule et unique visite qu'elle eût jamais faite à Miss Compton, qu'elle avait trouvée sous son bosquet, et aussi le repas si simple qu'avait suivi la visite et qu'elle, Agnès, avait trouvé si délicieux. Puis, la bonté que la vieille dame avait montrée pour elle ce jour-là. Son inexplicable dureté envers la tante Martha. La beauté de son bosquet. La gentille élégance de son petit salon. Tout ce qui, enfin, avait laissé dans son esprit une impression vague et romanesque qu'il n'avait jamais été modifiée par une nouvelle entrevue. Elle leur dit tout cela, et ajouta de plus ce fait que c'était cette même tante Compton, si aimée, si étrange et si versatile, qu'il avait confiée aux soins de Mrs. Wilmot. « Mademoiselle Compton de Compton-Bassett, répéta Marie, voilà un nom fièrement aristocratique. Votre tante Betsy est une vieille fille fort riche, je présume ?»« Eh bien, non, je ne le crois pas. Ma tante Barnaby répète toujours qu'elle est très pauvre, mais qu'elle aurait pu être beaucoup plus riche si elle n'avait pas donné une grande partie de son bien aux malheureux. J'aurais désiré la connaître mieux. Je ne puis m'empêcher de croire que, malgré toutes ses singularités, je l'aurais beaucoup aimée. Il y a quelque chose de fort étrange en elle. » ajouta-t-elle d'un air rêveur. « Elle est entièrement déformée, toute tournée, et pourtant c'est l'une des personnes les plus agréables à voir que j'ai connues de ma vie. »« Elle a une belle tête, peut-être ?» dit Lucie. « Non, je ne crois pas. Elle est très pâle, sa figure est toute petite, il n'y a rien de particulier dans ses traits, mais cependant, que ce soit explicable ou non, j'aime extrêmement à la regarder. »« La loi des contrastes, peut-être ?» murmura James à voix basse à sa sœur aînée. « Évidemment, » répondit celle-ci. C'est ainsi qu'ils se promenèrent et bavardèrent jusqu'à ce qu'il fût grandement temps de retourner. Et quoiqu'ils eussent un peu accéléré le pas, tout ce qu'ils purent faire fut d'arriver bien juste à temps à la maison pour procéder à la toilette du repas de 6 heures. Mais la promenade n'avait pas été seulement agréable à Agnès, elle lui avait été aussi profitable, car lorsqu'elle lui prit fin, Miss Peters se sentit parfaitement préparée à expliquer comment elle avait eu raison relativement à la cause de la dissemblance qui existait entre Mrs. Barnaby et sa nièce.